Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chronique Conso et comme chaque semaine nous sommes avec Joël Constanza, chargé de communication à l'UFC Que Choisir 37. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler des commandes de bois de chauffage parce que nous sommes en novembre et certains se disent qu'il est temps de commander du bois pour cet hiver, mais attention aux arnaques. Bah oui, en effet, parce que là aussi, on peut tomber sur des arnaques sur Internet. Alors par exemple, le client commande sur un site pour plusieurs centaines, voire pour plus de 1000 euros de bois ou de granulés, avec souvent la promesse d'une livraison rapide et des prix attractifs. Alors son compte en banque est débité, mais le pauvre client n'est jamais livré. Et quand il essaie de joindre quelqu'un pour se faire rembourser, parce que c'est son droit au bout de 30 jours, eh bien le site sur lequel s'est fait la commande est injoignable ou a carrément disparu, et bien sûr avec l'argent. Et comment c'est possible ? En fait, ce sont de faux sites de vente qui usurpent l'identité de vraies entreprises et qui attirent le client avec des promotions imbattables. Je vais vous donner un exemple. Le site livraisondebois.com. Bois de chauffage, bois de construction, granulés, briquettes et charbon, etc. Non seulement ce site internet est bien achalandé, mais tout est affiché en promotion, jusqu'à moins 52% sur certains produits. Alors forcément, c'est d'autant plus tentant que livraisondebois.com reprend tous les codes rassurants d'une boutique en ligne classique, avec ses onglets, conditions générales de vente et d'utilisation, suivi de commande, et même une foire aux questions très fournie. Et c'est pas un vrai site. Eh bien non, parce que dans les mentions légales, SF Bois de Chauffage est présenté comme l'éditeur du site. Alors l'entreprise existe, elle est bien basée à Gré-la-Ville et elle est dirigée par Stéphane Frotté, comme précisé. Mais ce dernier l'assure, il n'a jamais ouvert cette boutique en ligne. Il y a Anguille sous roche là. Oui, parce que en fait, Stéphane Frotté, le patron de cette entreprise de bois, est victime d'une usurpation d'identité. Alors, les noms de domaine de ces sites frauduleux ont été déposés récemment depuis Burlington, dans la banlieue de Boston aux États-Unis, pour livraisondebois.com par exemple, ou depuis Rotterdam aux Pays-Bas pour sfboisdechauffage.com, un autre site frauduleux. Et le vrai patron, Stéphane Frotté, s'en est rendu compte mi-septembre quand il a été contacté par un premier client victime qui avait passé commande sur l'un de ses faux sites, sans jamais être livré, et qui donc lui réclamait des comptes. Est-ce qu'on a des conseils, du coup, pour éviter ce genre de choses ? Oui, alors, au moment de la commande, certains détails doivent attirer la méfiance de l'acheteur potentiel. Alors, il faut se méfier, tout d'abord, et comme toujours, je le dis et je le répète, des trop bonnes affaires avec des prix imbattables, des promotions alléchantes, une livraison gratuite et des délais de livraison express. Il peut être bon de vérifier les avis en ligne parce que les sites frauduleux sont très vite repérés, notamment par ceux qui se sont fait avoir avant vous. Et n'achetez votre bois qu'auprès d'entreprises locales et ne finalisez la commande qu'après avoir réussi à les joindre réellement par téléphone. Et il y a aussi parfois des problèmes sur l'unité de commande directement. Oui, parce que les consommateurs qui ont commandé du bois en ster se plaignent souvent ensuite, au moment du rangement, de n'avoir pas reçu le volume commandé. Alors, il faut savoir que l'emploi du ster comme unité de mesure est en fait proscrite depuis plus de 40 ans. C'est une interdiction prévue par le décret du 4 décembre 1975, applicable en 1978 et renouvelé en 2003, qui oblige normalement les professionnels à utiliser l'unité du système international, le mètre cube. Et pourquoi cette unité ? Parce qu'en fait, le ster égale un mètre cube de bois empilé avec soin, préparé avec des bûches d'un mètre de longueur. Mais les rondins qui sont vendus de nos jours sont beaucoup plus courts et peuvent donc être mieux rangés. Donc, du coup, il faut suivre, le volume de bois diminue donc. Alors, le ster correspond à environ 0,8 m3 avec des bûches de 50 cm, à 0,7 m3 avec des bûches de 33 cm, ou à 0,6 m3 avec des bûches de 25 cm, etc. Donc ceux qui ont en tête qu'un ster équivaut à un mètre cube, ils risquent d'être fort déçus et surtout d'avoir l'impression de s'être fait arnaquer. Alors, au moment de la commande, préférez les vendeurs qui affichent le volume en mètres cubes empilés ou en mètres cubes apparent bois, parce que là, il s'agit de l'unité de mesure officielle du secteur et qui prend en compte l'espace vide laissé entre les bûches. Est-ce qu'on a d'autres petits conseils ? Oui, alors, premier petit conseil, l'approche de l'hiver, en fait, n'est pas la meilleure période pour profiter de prix bas et de délais de livraison courts. Effectivement, ça commence à être un petit peu tard. Alors, oui. Quand est-ce qu'on peut l'acheter idéalement? Alors, idéalement, bah, c'est un peu curieux, mais il est préférable de renouveler son stock de bûches, en fait, au printemps, à la fin de l'hiver. Deuxième petit conseil. Alors, deuxième petit conseil concernant, lui, le bois, hein, parce qu'un bois de chauffage de qualité doit être sec et son taux d'humidité ne doit jamais excéder 20%. Alors, parce que les émissions de polluants explosent au-delà de 25% d'humidité et puis aussi le rendement chute. Alors, stocker le bois à l'abri avant emploi est donc impératif. Et aussi, quelle essence de bois il faut prioriser? Les bois les plus adaptés hein, sont les feuillus durs. Alors, le chêne, le charme, le hêtre, l'orme, le robinier ou le frêne. Hein. Alors, les bois tendres, comme par exemple le peuplier ou le saule ou le bouleau, hein, en fait, eux, ils se consument trop rapidement. Alors, les résineux, eux, présentent l'avantage d'un haut pouvoir calorifique, mais ils brûlent aussi trop vite. Et puis, alors, surtout, écarter tous les bois de récupération, vernis ou traités, parce que leur combustion dégage des gaz toxiques. Hein. Et pour finir, votre dernier conseil qui est en fait un rappel de sécurité. Oui, parce que pour l'entretien et le bon fonctionnement de la cheminée, et puis surtout pour la sécurité de tous nos éditeurs, hein, ils ne doivent pas oublier de faire ramoner leur cheminée. Le ramonage d'une cheminée, c'est obligatoire au moins une fois par an pour prévenir les risques d'incendie, mais aussi les risques d'intoxication. Merci Joël Constanza. Merci. Je rappelle, vous êtes chargé de communication à l'UFC Que Choisir 37 et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Tout à fait. Bonne semaine.